Est-ce qu'on étreint par amour? Est-ce qu'on embrasse par amour? Est-ce qu'on respire par amour? Que fait-on quand il part? Que fait-on quand il part? Et qu'il ne revient pas? Les réverbères m'agacent, les étoiles m'agacent, la lueur de l'aube qui me regarde. Je m'enfonce dans la nuit, j'efface mes traces. Je ne reviendrai pas, j'abandonne comme je sais que je ne me réveille plus. Je ne réveille plus, que tout finit par décevoir. Le moindre sens, le moindre geste, la parole qu'on articule. Est-ce qu'on détruit par dégoût? Est-ce qu'on se brise par dépit? Plein de sourires acharnés, aucun doute je parais, aucun doute je parade. Une danse au bord du précipice. Tu n'as plus besoin de moi, mes bras turbines dans le vent, les lèvres sèches comme l'été, comme si je n'étais pour rien. À tes jambes qui s'articulent, tes yeux qui me regardent, avec l'étrange surprise de ne pas connaître ce visage et ces grimaces ridicules. Je pourrais bouleverser la pluie, vider la lune de ses mers, mais toi, tu me regardes. Est-ce que je pourrais revenir, cracher de la nuit au matin, et contenir toute l'indifférence de ton cœur serré, de ton cœur serré, de ton cœur fermé? Comme je saigne, comme mes veines bavent, je ne vivrai plus longtemps. Si tu me regardes encore comme ça, si tu me regardes comme ça, avec la fureur de l'orage, comme tu